Chapitre 5e, la gueule de lion. Ils étaient beaux et fiers, les jeunes patriciens qui se promenaient sur le broglio en se formant, par la discussion, à la science des choses politiques. Ce jour-là, le broglio, véritable champ de comices, était plein d'une animation extraordinaire. On s'y entretenait de l'élection prochaine du Grand Conseil. On était aussi fort préoccupé des réunions mystérieuses que tenaient dans Venise le duc de Savoie, l'électeur de Bavière, et les négociateurs secrets d'Autriche, d'Espagne, de Suède et de Hollande pour former une ligue contre Louis XIV. L'entrée de Tiepolo au Broglio était attendue avec impatience pour plusieurs raisons. D'abord, il était du petit nombre des descendants des nobles fondateurs. En outre, pour prix de ses services personnels, il avait été nommé chevalier à l'étoile d'or, ce qui lui conférait le droit de porter la dite étoile en brocart, et de plus, chevalier de Saint-Marc, titre auquel était attribué l'honneur d'avoir la boutonnière, une médaille offrant l'image de l'apôtre. Le doge Sylvestre Ballier l'avait embrassé affectueusement en présence du Conseil des Dix, et le prémitier Rio lui avait solennellement donné sa bénédiction. Le récipiendaire parut avec cet éclat des heureux et des vainqueurs, avec l'assurance qui naît de la richesse et de la gloire. L'entretien général ne tarda point à rouler sur les événements du jour. Seulement les expérimentés savaient qu'ils ne devaient livrer qu'une partie de leurs pensées. Cette réserve ne servit qu'à aiguillonner la franchise de Valerio. Bientôt, le bouillant jeune homme en vint à dire de ces choses qui, sous un gouvernement ombrageux, pouvaient passer pour des énormités. Ce qui lui pesait surtout, c'était l'attitude que Venise paraissait vouloir garder dans l'immense débat de la succession d'Espagne. Il ne craignit donc pas d'émettre contre le gouvernement un blâme peu déguisé. Les prudents sentirent la nécessité de faire le vide autour du téméraire orateur, si bien que Valerio ne tarda pas à comprendre qu'il avait été un peu trop loin et ne s'occupa plus que d'inviter plusieurs gentilshommes, et notamment Balthasar et ses amis, à un banquet qu'il devait donner ce jour-là même dans sa brillante résidence en témoignage d'allégresse et de bienvenue. On se sépara. Chacun des engagés remonta dans sa gondole en disant à Tiepoli « À bientôt !» Cependant, tandis que le palazzo était encombré par les gentilshommes qui arrivaient tout disposés à prendre large part à une joyeuse fête, Balthasar ne se montrait pas. Il avait gagné le large, se dirigeant vers l'Alito, mais sa pensée invariable le tenait attaché au broglio. Il entendait toujours les paroles imprudentes proférées par Tiepolo. À force d'y songer, il en aggravait le sens. Là où il n'y avait eu que témérité, il se plaisait à voir un crime d'État. Une idée lui vint, une idée terrible. D'abord, il la repoussa, car si féroce que fût sa jalousie, il lui en coûtait d'abjurer tout à coup la dignité du patricien pour descendre à la bassesse du dénonciateur. L'idée néanmoins prit de la consistance, elle devint tenace comme tous les mauvais instincts. Le but se montra, la honte du moyen s'effaça dans le brouillard de la conscience. Renverser l'ennemi, c'était le but. Recueillir les paroles que Valerio avait prononcées publiquement, les consigner sur un papier, puis jeter cet écrit dans une de ces bouches redoutées qu'on nommait les denunzie secrete, c'était le moyen. Le temps pressait, il fallait se décider. Balthasar tira d'une de ses poches ses tablettes, en arracha un feuillet, et déguisant son écriture, se mit à tracer au crayon des lignes dont chaque mot contenait la mort. Sa main, qui tremblait d'abord, se raffermit bientôt. Si l'on eût pu voir ses lèvres contractées, ses yeux animés d'un feu sinistre, on se fût reporté naturellement au souvenir de Dante Alighieri sortant de l'enfer. Mais Balthasar ne sortait pas de l'enfer, il y entrait. Quand il eut achevé l'œuvre détestable, il la jeta à côté de lui sur le bord de la Felce, se demandant s'il irait plus loin. L'ombre descendait. Déjà les îles qui entourent Venise confondaient leurs franges azurées avec le ton grisâtre de l'horizon. Balthasar bondit et cria à ses rameurs de le ramener à la place Saint-Marc. Alors il reprit le papier, le plia soigneusement et le cacha dans sa poitrine. Arrivé au palais ducal, il se mit à marcher d'un air indifférent, sans presser le pas, sans paraître préoccupé, s'étudiant à éviter les regards et attendant que le lieu fût désert. Enfin, il s'arrangea de manière à frôler une tête de lion en bronze, dont la gueule béante semblait appeler les dénonciations. De la main gauche et en portant son bras derrière lui, il fit glisser le papier. Puis, du même pas que précédemment, il s'éloigna, s'assurant par un dernier coup d'œil s'il n'avait été vu de personne. Mais quelqu'un l'avait vu. C'était un dormeur. Généralement, lorsque le crime exerce une de ses œuvres ténébreuses, soit qu'il attaque le passant inoffensif, soit qu'il pénètre dans une maison, c'est après avoir pris ses précautions et interrogé les quatre points de l'horizon. Il calcule son heure, il saisit son moment, il est satisfait si la lune absente laisse le ciel chargé de sombres nuages. Mais ce à quoi le crime ne songe pas, c'est à l'homme qui dort dans quelque coin. Celui-ci est le témoin providentiel, ce dormeur qui s'est éveillé au bruit et que la stupeur a tenu immobile et sans voix, se retrouvera, au jour du jugement, pour déposer avec des preuves accablantes. La mauvaise action de Balthasar avait donc eu pour témoin un homme qui, en cet instant, venait juste de s'éveiller. Couché de son long contre les degrés noircis d'un portique, cet homme ne faisait pas saillie apparente. Le patricien ne se douta nullement de sa présence. Mais si l'autre ne put reconnaître l'auteur de la dénonciation anonyme, du moins vit-il qu'un noble avait glissé un billet dans la gueule de lion. Il suivit d'un regard hébété ce personnage, qui ne tarda point à disparaître. Puis il se secoua en pensant par lui « Qu'est-ce que ça me fait ?» Il faut croire que les dénonciations secrètes sont utiles, puisqu'il y a si longtemps qu'on les pratique à Venise.